intéressant et c'est ce que j'aime à Transformation. Il n'y a pas de grand théoricien. On parle de ce qu'on a vécu. Et Greg interdit quiconque de venir parler de ce qu'il n'a pas vécu ici. Et ce qu'ils vont nous partager, c'est du vécu, c'est du process. Ça a été éprouvé par leur vie, etc. Et j'aimerais qu'on les applaudisse pour ce qu'ils sont pour nous et pour ce qu'ils représentent, pour tout ce qu'ils donnent. Pas besoin de ça. Je pense pas. Merci. La rockstar. Et en plus, je me lance avec la tablette. J'avais pas d'imprimante chez moi, donc j'ai opté pour la tablette, mais je suis nulle, moi, en informatique, donc ça va être un pur régal. Ok, on est heureux d'être là. Certes, on vous visite, mais on veut affirmer ce matin que nous faisons partie de Transformation. Même si nous travaillons à Saint-Brest, le Seigneur nous a donné vraiment une vision d'impact dans le village dans lequel nous sommes, dans toute la communauté saint-brézoise. Soise ou zoise ? Comme tu veux. Bézoise. on a un petit groupe qui se retrouve, un groupe relationnel, mais le cœur de ce qui nous passionne, c'est de voir notre village transformé. Certes, le salut des gens est important, mais ce qui nous fait brûler, c'est que notre village devienne un disciple. Que ce soit l'aspect entrepreneurial, politique, social, c'est qu'il se passe quelque chose dans la ville de Saint-Brest. Le Seigneur vient toucher dans le plus profond des fondations de ce village et qu'il y ait une conversion du village. On voit au-delà de la conversion individuelle, on voit vraiment le salut se répandre dans le village où nous sommes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait vibrer. Mais on veut redire, nous faisons partie de Transformation. Nous sommes des visiteurs de vous. Donc on est heureux d'être là. En fait, je réalisais ce matin combien la louange communautaire me manque. On est un petit groupe. Nous, on fait la louange avec ma fille, avec des DVD, ce qu'on met à la télé. Et c'est chouette, hein, mais rien ne vaut la dimension communautaire comme on a vécu ce matin. Alors, moi, j'avais l'impression d'être une foule. En fait, je me suis retournée, moi, je dis « Oh !» Et pourtant, vraiment l'impression d'être une foule, et c'est bon, c'est des temps particuliers que je chéris. Donc, pour ceux qui nous connaissent peu, je voudrais quand même dire que je suis mariée avec Jean-Philippe. Il interviendra quelques fois pendant le partage. On est parents de 3 enfants, Michael, Timothée et Léana. Michael est marié à Prindis, et ils vont nous faire un petit bébé dans quelques jours, semaines. On attend, on est accroché à nos téléphones et on va devenir grands-parents. Notre second a 18 ans, 19, et notre dernière a 17 ans. Et on vit une aventure entrepreneuriale avec nos enfants. Et Dieu nous a vraiment conduits en famille dans une dimension de foi et c'est juste extraordinaire. Je crois qu'on vit des temps particuliers. Je crois qu'on vit des temps... des temps qu'il n'y avait pas avant. Et pourtant, on regarde avec envie tout ce qui se vivait dans les actes des apôtres et des évangiles. Et c'était excellent ce matin ce que tu disais, Lélio. Faisons de la place au possible. Faisons de la place au possible avec Dieu. Que nos bouches confessent que tout est possible avec lui. Il est notre Dieu, quoi. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un d'extrêmement grand, extrêmement puissant. On ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le contenir, on ne peut pas le décrire. On ne peut pas mesurer son bras lorsqu'il s'étend. Et lorsque son bras s'étend, il y a tout qui est bousculé. Dans la parole, c'est noté à un moment, Dieu se lève. Tout fait silence quand Dieu se lève. Je veux dire, moi, quand je me lève, il n'y a personne qui se tait. J'en suis, ouais. Mais c'est en ce Dieu-là qu'on croit. Et je crois qu'on est dans des temps particuliers. Et on se ment à nous-mêmes lorsqu'on dit « Ouais, c'est dur en France, c'est dur dans mon village, c'est dur avec ma famille. » Non, ça c'est notre excuse en fait. Vous savez quoi? Cette excuse, elle nous permet d'être dans le confort. Et il y a une chose que Dieu répète depuis des milliers d'années, puisque ce texte a été écrit il y a plus de 1000 ans. C'est juste le texte d'après, s'il te plaît. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est qui les fils de Dieu ? Nous. Mesurez la puissance de ce verset. En fait, là, la Bible est en train de te dire, la création, tout ce qu'il y a autour de toi, attend avec un ardent désir ta révélation. Que tu puisses être une porte pour le royaume de Dieu. Une porte pour que le salut vienne dans tous les lieux où tu te trouves. Tu es la solution pour les gens que Dieu a placés autour de toi. Pas pour tout le monde, mais pour plusieurs personnes qui sont autour de toi, pour plusieurs domaines dans lesquels tu te trouves, tu es la solution. Dieu veut se révéler au travers de toi. Il y a une traduction, alors je suis fan, hein, vous allez voir, des fois je vais vers des traductions. L'abbé Crampon, qui a traduit la Bible, c'est lourd à lire, mais l'abbé Crampon dit que la création attend anxieusement la révélation des fils de l'homme, des fils de Dieu. Anxieusement. En fait, vous cultivez de l'angoisse à ne pas vous mettre en mouvement. Non, mais c'est fort. Qu'attends-tu ? Qu'attends-tu ? Et j'ai découvert une autre chose. Le premier miracle de Jésus, c'était quoi ? Transformer. Oui. Jésus va à Cana, il est invité à un mariage, et puis hop, il n'y a plus de vin, il n'y a plus que de l'eau. Bon, nous, il y a aussi, on avait le baby shower, tout le monde a oublié les boissons, on a bu de l'eau, il ne s'est rien passé. Mais à ce moment-là, à la fin, c'est tout le monde a bu. Alors, il faut savoir qu'ils buvaient, ils buvaient bien. Hein. Nous, on a une lecture très sympathique des évangiles, on se dit que c'était un mariage. En fait, ils buvaient. Et là où ils avaient bien bu, vous savez que le goût, il passe au bout d'un moment parce que là, on a bien bu. On n'est plus maître de ses paroles, plus maître de ses réactions et plus maître de son goût non plus. Et là, il n'y a plus de vin et Jésus opère un miracle. Il transforme l'eau en vin. Mais c'est un vin excellent, c'est un vin de qualité, c'est un vin généreux. C'est... En plus, ce n'est pas juste une bouteille ou deux, question, on va finir la soirée tranquille. Non, non, c'est le miracle. L'eau est transformée en vin. Premier miracle de Jésus. Et une traduction, une autre, de James Stevenson, alors ça c'est une traduction anglaise, dit, alors d'abord je vous le donne en français, voilà. Jésus fit ce premier de ses miracles à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La traduction de James Stevenson dit, It was the first glimpse of the kingdom of God. Vous savez, Léo, il parlait anglais tout à l'heure. Donc, vous savez ce que ça signifie, glimpse ? Non. Étincelle. Nous, on a une traduction, vous savez, très propre et très, très littéraire française. C'était, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. En fait, d'autres traductions disent, c'était la première étincelle du royaume de Dieu. Lorsque nous prions pour un miracle, lorsque nous nous déplaçons, nous nous déployons avec les valeurs du royaume de Dieu, lorsque nous donnons une parole prophétique, une parole de connaissance à quelqu'un, c'est une étincelle du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le royaume de Dieu se laisse juste paraître, juste voir un petit peu. Confortable hein, de dire, non, c'est dur avec les voisins, les amis, tout ça. Non. Lorsque tu te mets en mouvement, c'est une étincelle du royaume de Dieu. Tu veux un ministère ? Tu veux savoir ce à quoi Dieu t'appelle ? Dieu t'appelle à saisir toutes les opportunités pour qu'il y ait une étincelle du royaume de Dieu là où tu te trouves, dans tes relations, dans ton travail, dans ta famille. Peu importe. Une étincelle du royaume de Dieu. Et je crois, nous croyons, que la générosité est un don donné par Dieu pour être une étincelle du royaume de Dieu. La générosité, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est pas quelque chose dont on parle souvent. On parle beaucoup de la prophétie, on parle beaucoup de prier pour les malades et les malades vont être guéris, de la parole de connaissance. Et puis, il y a la générosité. Vous avez déjà vu dans Romains 12, Dans Romains 12, il y a quelques dons donnés par Dieu, les charismes. Il y a la présidence, il y a la prophétie, il y a la miséricorde, la compassion. Puis il y en a un qui se glisse là, tout discrètement, qui s'appelle la libéralité. La libéralité et la générosité, c'est la même chose. C'est le genre de don, vous savez, on dit, je l'ai pas. Et c'est drôle, hein, parce que comme en effet, je vous partage mon cœur, hein. C'est-à-dire que ce que je vous dis, c'est tout ce que je me suis dit. Et on est tous avisés, la prophétie, j'aime la prophétie. J'aime quand avec mes clients, il y a une brèche qui s'ouvre et puis que je saisis juste que là, l'Esprit de Dieu est en train de me dire quelque chose les concernant et que je pose, vous savez, à la juive, comme Jésus faisait, une petite question qui correspond à la pensée que j'ai au fond de mon cœur, puis qu'on voit la personne qui craque devant soi, parce qu'on a ouvert une brèche. J'aime ces moments-là. Et pourquoi est-ce qu'on vise tous juste la prophétie, juste la guérison des malades, alors que là, dans toute cette liste de dons de Romains 12, relisez-le, vous avez la libéralité, la générosité. C'est la même chose. Je vais vous donner la définition. La générosité, c'est celui qui a incité à faire des autres des participants à ses biens. Lorsque je suis généreux, lorsque je suis dans la libéralité, je rends les autres participants à tous mes biens. Et c'est un don donné par Dieu. Je crois que c'est un don donné par Dieu. Si juste on peut visualiser le monde qu'on a autour de nous. Tes parents, tes enfants, tes voisins, ton travail, partout où tu vas, partout dans tous tes cercles relationnels, dis-toi qu'ils attendent la révélation des fils de Dieu. Ils attendent que tu saisisses toutes les opportunités pour qu'il y ait une étincelle du royaume de Dieu. Et la générosité est un don. La générosité est un outil donné par Dieu pour que le royaume de Dieu se manifeste. Et je vais vraiment l'aborder sous l'aspect financier. C'est vrai qu'on peut dire, ah, mais on donne du temps, on donne du service, et c'est très bien, c'est important. Mais nous sommes dans un monde où tout est géré par l'argent. Nous sommes dans un monde où ce qui règne, c'est la puissance économique. C'est pas autre chose. On peut y voir les sectes, on peut y voir plein de choses, oui. Mais tout ce qui est en haut de la pyramide, c'est l'argent. Toutes les lois sont décidées en fonction des coûts, de ce que ça va rapporter. La santé, c'est décidé au niveau de financier. La vie de famille, la société, le travail, tout est décidé en fonction d'une pensée, d'une approche financière. C'est la puissance économique qui règne sur ce monde. D'ailleurs, je l'aborderai tout à l'heure, mais la parole dit « vous ne pouvez pas servir de maître ». C'est le seul moment où ça apparaît. Dieu ou Mammon. Mammon, l'argent, est une véritable puissance. Aujourd'hui, les gens sont évalués sur ce qu'ils ont, sur leur maison, sur leur voiture, sur leur travail, sur comment ils sont habillés. Et puis je suis sûre, si on commence à s'analyser nous-mêmes, on a un petit scan. Ah, Lélio, il a mis une chemise en jean aujourd'hui. Est-ce que c'est une lévis? Est-ce que c'est... Bien sûr. Elle a plus mal. Les gens ont du mal à dire « je suis au chômage ». C'est une honte. Les gens, des fois, n'invitent même pas chez eux parce qu'ils ont une petite maison. Et quand on arrive chez eux, ils s'excusent. Je suis juste locataire. Et lorsque nous nous déployons dans la générosité, nous prenons le monde à contre-courant. La générosité est une valeur du royaume de Dieu. Christ a été généreux. Et il est allé à la croix, il n'a pas dit « je donne juste mon pied ». Un petit clou là. Le reste, je garde. Il a tout donné. Il allait jusqu'à la mort. Il n'y a rien de plus généreux. Son premier miracle, il est profondément généreux. Une multiplication, une transformation et ça coule à flot. La générosité fait partie de Dieu. C'est une disposition à donner largement, à partager, sans rien attendre en retour. Nous avons fait le choix d'être généreux. Voilà, je vais appeler Jean-Philippe qui va vous raconter un peu. Moi, j'ai dû faire le choix d'être généreux. Jean-Philippe, il était généreux. La chance, il est né comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi c'est facile pour lui d'être généreux. Alors, bonjour à tous. Mais je vous ai déjà vu, donc rebonjour. Et donc, ce qui est important dans mon cheminement, et ce que vous compreniez, c'est que j'ai grandi dans une famille riche au niveau financier. Donc je ne sais pas ce que c'est de manquer de quoi que ce soit. J'avais... Comment ? Ouais, des fois. mes loisirs, c'était un peu compliqué quand même. Je faisais de la natation, de la planche à voile, du bateau, du ski. Donc vous voyez, j'ai eu une jeunesse un peu compliquée. Et avec un papa commerçant qui bossait énormément et qui automatiquement gagnait beaucoup d'argent. Et on a grandi avec ma sœur et enfin mes deux sœurs et mon frère, avec un père qui était certes absent, mais qui pourvoyait à tous nos besoins. Donc la main qui nous bénissait, c'était celle qui nous mettait des bonnes torgnoles quand on le méritait. Et j'en ai récolté pas mal. Mais ça aide à la croissance. Donc c'est génétiquement... Il m'a transmis cette profonde générosité. Parce que quand vous êtes enfant, vous n'avez pas cette notion de beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent. Enfin, vous réfléchissez même pas, quoi. Je veux dire, quand je discutais avec mes copains d'école, « Ah bon, t'as pas de planche à voile ?» Oh, putain, t'as la vie dure, toi. C'est... Et tu fais quoi ? Hein ? Tu sors pas ? Oh là là ! Parce qu'on comprend pas, on réalise pas. Et le truc incroyable, c'est que quand je suis devenu chrétien, d'un coup, c'est comme si l'argent... Ah, mais faut pas avoir d'argent. Et vous imaginez la frustration ? Fallait avoir des fringues pourries, fallait rouler dans une voiture pourrie, avoir une maison, mais plus que médiocre. Et moi, ça buguait dans ma tête, en fait. Mais... Vu que j'aimais Jésus et que j'ai compris que Dieu était mon Père, il y avait des choses sur lesquelles je ne me posais pas de questions par rapport à la générosité de mon Dieu. Si mon Père paternel, qui m'a mis des couettes comme jamais, m'aimait profondément, bah, Dieu qui m'a créé, parce que j'ai eu cette vraie révélation de mon Dieu créateur et Père, j'ai dit, mais il va pourvoir à tout. Et en fait, ma chair luttait contre des principes un peu évangélicaux, charismaticaux et je ne sais pas trop quoi. Et à un moment donné, et là je vais rebondir sur ton annonce, c'est l'APS vous transforme votre vie, littéralement, parce que d'un coup, vous re-rentrez dans une vraie connexion de ce que j'appelle la vraie vie. Et moi, ça a bouleversé ma vie, parce que d'un coup, toutes ces barrières que je m'étais mis, il faut pas, tu dois pas, ça s'est complètement libéré. Et... mon ADN généreuse a repris tout son sens. Parce que ben, vous donnez à l'offrande, alors quand je dis vous, on donne à l'offrande, on participe à des dons, à des machins, à des bidules. Mais pour moi, il y avait un truc qui ne sonnait pas, quoi. C'était pas... C'était comment on peut faire plus ? Et en fait, on a fait des expériences avec Sandrine, où des fois il y avait des défis que Dieu nous lançait. Et on disait, allez, on le fait. Et on donnait de l'argent. Mais à chaque fois, on réalisait qu'on donnait de l'argent, ben, c'est ce qu'on récoltait ? Ben, de l'argent. Ouf, incroyable. et on est dans ce processus-là. Et on sait que, comme disait Lélio, on a besoin de se supporter les uns les autres. Et aujourd'hui, notre ambition au niveau de notre business, c'est de devenir une entreprise hyper riche. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir la parole devant tout le monde, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes personne. Vous voulez annoncer l'évangile, ben, écoutez, faites-le. Vous voulez une tribune, ayez de l'argent. Excusez-moi, hein, mais ça, c'est la réalité. Et la générosité appelle la générosité. C'est-à-dire que c'est comme un... Comment je vais dire ? Vous savez, c'est ce fleuve qui commence tout doucement après un gros orage, hein, et puis d'un coup, ça déboule. Ben, aujourd'hui, il y a des choses qui nous dépassent, mais vraiment. Donc voilà pour le moment. Je suis parti en boule ou quoi ? Oui, mais j'habite. Ah oui. Généreux. Non, juste une chose importante. Aujourd'hui, mon credo, c'est Matthieu 6, dans son intégralité. Mais surtout, surtout, là où on a beaucoup appris, c'est le verset 26. Les oiseaux, ni ils ne sèment, ni ils ne moissonnent, et pourtant Dieu, à chaque jour. C'est-à-dire qu'un oiseau, il vit sa vie, mais je ne pense pas qu'il réfléchisse ou qu'il devienne dépressif parce qu'il se lève le matin, il va dire oh, « Mais comment, qu'est-ce que je vais manger Ça n'existe pas, ça !» Et qu'est-ce qu'il dit le verset plus loin ?« Et vous, Dieu vous aime au-delà. » Les oiseaux, c'est du menu bétail, quoi. Nous, nous sommes les enfants de Dieu. Pardon. Excusez-moi. Mais je recommencerai. C'est juste en politesse. En fait, c'est facile quand on a un papa qui a toujours pourvu, quand on nous dit « C'est quoi, Dieu c'est ton père, il va pourvoir. » Bah lui, ça a été super facile de la transposer. Il a saisi Dieu Père, Dieu Créateur. Il va pourvoir en tout. Je ne manquerai de rien. Et quand on saisit cette pensée-là, c'est très facile de donner. Puis il y a eu moi. Moi, en fait, la misère, quoi. Mon père a échoué dans son entreprise. On a tout perdu. On a perdu la maison. On a eu les placards vides. Ils sont venus un jour. Ils nous ont pris les meubles, les chaises, tous ces trucs-là. Parce que l'entreprise avait fait faillite. Et puis, on a connu le manque. Puis, vous savez, quand on a un jean dans le placard, voire deux, il faut vite le week-end le laver parce qu'il faut recommencer la semaine le lundi et être habillé assez moderne parce que tout le monde nous juge sur ce qu'on est et ce qu'on n'a pas fait. Et ça a toujours été là jusqu'à mon adolescence, jusqu'à ce que je me marie. Et puis, le Seigneur est venu me travailler en profondeur. Il a fallu un moment que je lui dise, mais je veux te connaître en tant que père. Je veux te connaître en tant que celui qui va pourvoir en tout et pour tout, celui qui va prendre soin de moi. Mon père n'était pas un mauvais papa, hein, du tout. C'est pas lié à... C'est juste que les circonstances ont fait que mon papa ne pouvait pas me payer ce qu'il fallait pour que je vive une adolescence comme les critères de ce monde-là. Et Dieu est venu me travailler, Dieu s'est révélé à moi en tant que père. Et puis, il a fallu que je fasse un choix. Le choix de rentrer dans la générosité. Je ne vous dis pas au début du mariage, quand je le voyais donner des trucs. J'avais l'impression qu'on m'arrachait ma vie. Mais comment je vais faire ? À partir de mon mariage, j'ai toujours eu un dressing super bien rempli. Avec ce problème très féminin. Ah, j'ai rien à me mettre. Lui, tu vas faire un peu de shopping. Mais quand il donnait quelque chose, c'était comme si on venait me priver, moi, m'arracher quelque chose. Et en même temps que Dieu se révélait à moi en tant que père, il a fallu que je pose des actes. Il a fallu que je choisisse d'être généreuse. Et je vais vous dire un truc, on s'exerce à la générosité comme on s'exerce à la prophétie. Vous savez, tous les exercices qu'on fait d'activation prophétique, de dire je commence par une vision, je commence par une pensée, je commence par un mot. Ben, vous savez, c'est la même chose pour la générosité. Je commence par donner un euro. Et on commence un pas après l'autre. Et aujourd'hui, c'est pas un euro qu'on donne. Mais le Seigneur nous a conduits à nous exercer à la générosité de la même façon qu'on s'exerce à la prophétie. Dieu nous offre tout un panel de dons pour qu'il y ait une étincelle du royaume de Dieu dans la vie des gens et la générosité en fait partie. La générosité prend sa source dans l'amour pour Dieu et pour les autres. Elle n'est pas liée à notre compte en banque. Quand nous avons commencé à exercer la générosité, notre compte en banque n'était pas très glorieux. Et pourtant, le Seigneur disait, donne. Hébreux 13, verset 16 dit, n'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. À chaque fois que nous sommes dans la libéralité, Dieu prend plaisir. Jean-Philippe, qui était très généreux, il y a un moment, il a fallu qu'il apprenne à écouter Dieu. Il y a un moment où il a fallu qu'il arrête de donner à tout va. Corinthiens 13, verset 3. Je ne l'ai pas noté, mais il dit « Et si même je donnais tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, je suis telle une cymbale qui résonne. » La générosité doit prendre sa source dans l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Quand tu es généreux, Dieu prend plaisir. Tu aimes Dieu, donc tu es généreux. Tu aimes Dieu, tu connais Dieu, Dieu est généreux, tu deviens généreux. Et aimer les autres. Si je n'ai pas l'amour, je peux donner tous mes biens. Je suis telle une cymbale qui résonne. C'est pas un sacrifice dans lequel Dieu prend plaisir. Je regardais là, cette semaine, il y a un rappeur, American rapper, c'est Dr. Dre, je crois. Il a tourné son clip, il a donné je sais pas combien, $1 million. Alors c'est vrai, il y a des gens qui sont vraiment émus, qui se retrouvent avec une liasse de dollars dans les mains. Mais lui, c'était juste pour son clip. L'action est belle, mais elle n'est pas gratuite. Imaginez la même chose avec l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Quand on pourra donner des liasses de billets, ce sera juste dormir. Dans 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5, alors ça c'est extraordinaire, je vous le disais, ça prend, la générosité ne dépend pas de notre compte en banque. Lorsque nous avons la révélation du Père, lorsque nous avons la révélation qu'il est Dieu qui pourvoit en tout, on devient comme des enfants. Mais des enfants qui peuvent partager leurs jouets. Vous savez, il y a un moment, il faut dire aux enfants, c'est bien maintenant, tu partages. Et on partage. Et c'est juste beau ce qui s'est passé aux églises de Macédoine. C'est Paul qui écrit, nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà, j'en suis témoin, spontanément, avec une vive instant assistance. Ils nous ont... Ça, c'est extraordinaire. Ils sont dans la misère et là, on voit que, avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. L'Église vit des détresses, elle est persécutée, elle est dans une extrême misère et en plus ils disent « Moi, je veux participer à l'offrande pour les autres églises. » Ils aimaient tellement Dieu, ils aimaient tellement les autres qu'ils vont jusqu'à donner jusqu'à la limite de ce qu'ils possédaient. C'est une extrême générosité. Mais ils avaient une relation avec Dieu et Dieu leur avait parlé. La générosité s'exerce dans une véritable collaboration avec l'Esprit de Dieu. Donner, c'est en lien avec l'écoute de Dieu. On ne donne pas à tout va comme ça. Qu'est-ce que Dieu dit ? Parce que dans chaque situation, je vous disais tout à l'heure, il y a des dons différents. Hein. Pour quelqu'un qui est malade, ça n'a rien à lui faire un chèque de 10 000. Hein. Il sera content, mais ça ne l'aidera pas beaucoup. Il est bien de prier pour le malade. Mais dans des situations, soyons attentifs. Qu'est-ce que Dieu dit ? La générosité se vit dans une collaboration avec l'Esprit de Dieu, à l'écoute de sa parole. Sinon, c'est une œuvre morte. Et la parole nous dit quoi ? Que nous aurons à nous repentir de nos péchés et des œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est tout ce qu'on va faire qui est même excellent, mais qui est en dehors de la volonté de Dieu. Et parfois, donner à quelqu'un où Dieu n'a pas prévu le don, on est dans une œuvre morte. Avec Jean-Philippe, nous avons observé, nous avons vécu que la générosité ouvre une fenêtre pour la manifestation du royaume de Dieu. Quand on donne, quand le Seigneur nous parle de donner, on s'aperçoit qu'il y a quand même l'étincelle du royaume de Dieu qui se produit à ce moment-là. D'abord, ça impacte l'atmosphère autour de nous. Je me rappelle, une fois, on se retrouve au restaurant, et ça nous arrive en fait d'offrir le restaurant à quelqu'un quand on est au resto. Et puis là, il y a un papy qui est à côté de nous, puis on échange deux, trois blagues. C'est super repas. Et puis Jean-Philippe a vraiment à cœur, il me dit, on va lui offrir le repas. On finit le repas avant lui, on arrive à la caisse, et il dit, j'offre le repas au monsieur qui est à côté de nous. Et puis la patronne du magasin, du restaurant, elle regarde Jean-Philippe, elle dit, mais pourquoi vous faites ça ? Il dit, j'ai envie de lui faire plaisir. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle nous dit, ah mais oui, mais moi aussi, je vais lui offrir le vin. En fait, quand on pose des actes généreux, ça agit sur l'atmosphère là où on se trouve. Il y a eu une fois, on se retrouve dans un autre restaurant, on discute avec les gens, enfin, on se marre parce que le serveur faisait que des bêtises. Puis Jean-Philippe part à la caisse. Alors moi, j'ai toujours peur maintenant quand Jean-Philippe part à la caisse. Va-t-il payer pour le restaurant complet? Et il offre le repas aux gens à côté. Puis on dit rien en général, on s'en va. Hein, tous les serveurs, ils étaient à la sortie, ils serraient la main. On avait l'impression d'être les VIP. Mais en fait, les gens étaient profondément touchés qu'on offre les restaurants à des gens comme ça. Lorsque nous posons des actes généreux, l'atmosphère est impactée. Pourquoi? Parce que c'est juste la manifestation du valeur du royaume de Dieu. Quand on est généreux, les vies sont touchées. Et là, je voudrais, Jean-Philippe, ce que tu as vécu au Portugal, là, Donc on était au Portugal et en fait quand on se déplace comme ça à l'étranger, on aime bien, enfin c'est surtout Sandrine, faire des recherches sur le pays, la population, etc., l'économie du pays, comment ça se passe, etc. Et là, donc on arrive et puis on dit quand même, on voit de suite que c'est un pays qui a souffert par la crise, mais vraiment fort, hein. Et pour le coup, on a rencontré un fournisseur là-bas et on lui dit « Mais c'est quoi le salaire minimum au Portugal ?» Et le gars, il nous dit « C'est 600 euros par mois. » Et là, en fait, on réalise d'un coup que les prix, nous on disait « Ah ben c'est comme chez nous. » Sauf que ramener à 600 euros par mois, là vous dites « Ouf, mais comment ils font quoi ?» Donc là, vous réalisez que les gens souffrent. C'est compliqué. Et le carburant coûte plus cher que chez nous. Donc ce qui est cool pour nous, c'est qu'il y a très peu de monde sur la route, d'accord? Mais la réalité, pour eux, dans leur quotidien, c'est compliqué. Et on mange très bien, c'est pas très cher pour nous qui venons de France, hein. Donc un soir, on s'arrête dans un restaurant, et j'ai été touché par le serveur. J'observe le serveur, et puis... c'était avant qu'on connaisse... Non, on savait déjà le salaire minimum. Puis je vois ce gars qui se démène, et puis vraiment avenant. Il est toujours là. Vous savez, c'est pas le serveur lourdingue qui vient te dire à chaque fois ça va, tout va bien, machin. Non, c'était vraiment le gars, on voyait qu'il aimait les gens en fait. Et j'ai à Sandrine, écoute, cet homme-là, j'ai envie de lui donner 20 euros de pourboire. Et 20 euros, on réalise que finalement, c'est une somme importante, quoi. Et donc, je prends mon Google Traduction, là, et puis je fais écrire merci pour votre générosité, pour votre service, etc., etc., et je lui donne les 20 euros. Le gars, il s'est mis à pleurer littéralement. Mais vraiment, le gars, touché, quoi. Et on rentre à l'hôtel. Et le lendemain matin, Sandrine me dit, écoute, c'est bien ce que tu as fait, mais c'est profondément humain. Je lui dis, parce que le gars, bah, en fait, il ne lui a même pas annoncé Dieu, ni rien du tout. Et j'ai été repris par Dieu. J'ai fait quelque chose de profondément humain. Le gars, il dit, s'il faut, il s'est dit, ben ouais, j'ai trouvé un mec sympa, cool. Mmh. Et je dis, ok. Donc, je réitère l'opération. Je dis, le prochain coup, je saute sur l'occasion. Et c'était le dernier soir, donc on se retrouve à l'hôtel. Et habituellement, c'était un grand buffet, mais vu que là, on était très peu, ils ont fermé le buffet, c'était à la carte. Et là, on tombe sur un serveur vraiment, vraiment très, très sympa, du même type que l'autre. Et il me restait un peu de monnaie dans la poche, et je compte, j'avais suffisamment... Ben en gros, j'avais 100 euros dans la poche. Il nous fallait à peu près 80 euros pour payer le reste de l'hôtel et prendre le taxi pour aller à l'aéroport. Donc j'avais 20 euros. J'y vais à banco, rebelote. Mais ce coup-ci, j'ai dit, mon gars, je ne vais pas le louper. Donc sur mon Google Traduction, je lui dis la même chose et je dis vraiment que Dieu vous bénisse. Là, le gars, j'ai cru qu'il allait tomber dans les pommes, en fait. Je lui donne les 20 euros et... hein, franchement, et puis il avait la voix nasillarde un peu, et puis il me dit écoutez, que Dieu vous accompagne. Vous voyez, et là, ça a fait la différence. Et le truc incroyable, pour le coup, c'est la première fois de ma vie que je vis une multiplication de billets. Le lendemain, je compte mes billets, et j'avais encore 100 euros dans la poche. Incroyable. Ça, c'est dur. En fait, nos actes généreux peuvent vraiment toucher le cœur des gens. Ça ne dépend pas de la personne qu'on a en face. ça dépend pas de... Vous savez, des fois, on est généreux avec des personnes, mais on se dit, avec telle personne, je peux pas être généreux parce que j'ai vu, il fait n'importe quoi, ou oui, puis de toute façon, il a suffisamment d'argent. Vous croyez que Dieu, il évalue les choses comme ça? Non, ça a rien à voir. Ça a à voir avec l'écoute de Dieu. Et je sais que Jean-Philippe, il a fait ses deux pourboires, ses deux gros pourboires, juste dans deux restaurants. Après, c'était juste normal, mais c'est étonnant parce qu'il y a des moments, en fait, je perçois, il commence à faire ça avec ses doigts. Et là, je me dis, oulala, Dieu est en train de lui mettre quelque chose à cœur. Et il nous faut être sensibles quand Dieu commence à mettre des choses à cœur. Même si la personne en face de soi, on pourrait dire, mais elle ne le mérite pas. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec cet argent. Je me rappelle une fois, Jean-Philippe, vraiment à cœur de faire une offrande à une personne. Il me dit, Sandrine, il faut qu'on lui fasse une offrande. Je dis, ok, on va faire cette offrande. On sait que c'est une personne qui ne gère pas son argent, qui fait n'importe quoi, etc. Mais j'ai appris vraiment à faire confiance en ce que Jean-Philippe recevait. Et puis, donc, je suis là avec mon enveloppe, je dis, j'essaye de la caler dans le sac de sa femme, et puis... En plus, c'était une maminette qui tenait son sac à main comme ça. Et c'est vraiment, on peut pas atteindre le sac à main. Donc, je décide d'aller dans la voiture et de glisser l'enveloppe dans la voiture. Dans la voiture qui n'est jamais fermée. Je glisse l'enveloppe. Et on croise cette personne une semaine après. Qui dit, ah, vous savez pas ce qui m'est arrivé. Je vais dans la voiture, je trouve une enveloppe. Je vois l'enveloppe, il y a des sous dedans. Je croise une sœur et je lui donne l'enveloppe. Il fallait pas que je réagisse comme ça parce que sinon on aurait su que c'était lui. Parce qu'on trouve que c'est bon que des fois les actes généreux soient anonymes. Parce qu'il n'y a pas de gloire à en tirer. C'est Dieu qui va être glorifié. Et en fait, il faut savoir que quand cette personne a donné l'enveloppe à l'autre personne priait parce qu'elle n'avait pas de quoi acheter à manger pour sa semaine. Parce que moi, je rencontre l'autre personne qui me dit « Tu sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai croisé un tel et il m'a donné une enveloppe. » Et elle dit « Tu sais, je priais, je savais pas comment j'allais manger cette semaine. » C'est juste une histoire d'être à l'écoute de ce que Dieu veut. Parce que ton argent va peut-être pas forcément servir pour la personne qui est en face de toi, mais elle va servir pour autre chose. Parce que je glisse là juste entre deux phrases, on n'est que des canaux. La générosité ouvre les cœurs. Jean-Philippe a pris sous son aile un petit commercial, un commercial d'un de nos fournisseurs, vraiment qui débutait. Et puis, vraiment, on l'a pris à cœur et Jean-Philippe déverse en lui tout ce qu'il connaît au niveau commercial, stratégie commerciale. Et puis, quand on le reçoit bien, on lui fait le café, on lui accorde du temps, on prend du temps avec lui. Et ce gars-là, Alexis, il a vraiment compris. Il lui dit, vous êtes des gens généreux. Et la générosité a fait qu'il a commencé à venir nous partager les choses. Et là, il a vécu des choses vraiment très difficiles au niveau familial et il disait, je sais que je peux venir vous en parler. Et il déboule cet été, il se met à pleurer dans le magasin, à partager sa vie, etc. On lui partageait ce qu'on croyait, on lui parle de Dieu véritablement, de qui est Dieu, de ce qu'on connaît de Dieu, etc. Et il sait, et il le dit, hein. Je sais que je peux vous demander des conseils parce que je sais que je vais être écoutée, je sais que vos conseils vont être bons. Et puis, il y a un mois de ça, il vient au magasin et Jean-Philippe décide de le prendre dans ses bras. J'étais partie, vous savez, il y a des moments où il faut laisser les hommes entendre. Et il le prend dans ses bras, ce gars-là, il s'est mis à pleurer. Et il dit à Jean-Philippe, à la fin du rendez-vous, il lui dit, tu sais, quand tu m'as pris dans mes bras, j'ai reçu tout l'amour que j'ai jamais reçu de mon papa. C'est beau. Mais c'est tous les actes de générosité qu'on a posés sur la vie de cet homme. Le fait de l'écouter, le fait de lui donner. Ce que Jean-Philippe a appris en termes de commerce, il a tout déversé sur lui, comme si c'était son disciple. Vous comprenez ? La générosité ouvre les cœurs. Et puis, vous savez quoi ? La générosité va avoir un impact sur votre propre vie. C'est un principe biblique. C'est une loi spirituelle. Au même titre qu'il y a des lois physiques, vous lâchez un stylo, ça tombe par terre, il y a des lois spirituelles. Vous faites quelque chose, ça a des conséquences. Lorsque tu donnes en accord avec ce que Dieu te dit, ça a un impact sur ta relation. Tout à l'heure, je vous le disais, Matthieu 6, 24, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Lorsque tu donnes, tout à l'heure, je vous disais, c'est comme si on venait m'arracher quelque chose. Mais vous savez quoi? Si je retenais, j'étais soumis à maman. Lorsque je donne, quand Dieu dit de donner, ben vous savez quoi? Je suis soumise à Dieu. C'est dans ces moments-là que je manifeste que Dieu règne dans ma vie. C'est dans ces moments-là que je manifeste que c'est Dieu que je sers. C'est dans ces moments-là que je manifeste que je dépends de Dieu, qui pourvoira en tout et pour tout pour moi et qui me demande d'être généreux, c'est-à-dire de faire des autres participants à mes biens. Ça a véritablement un impact sur ta relation avec Dieu. Lorsque tu donnes, tu deviens complet, tu te rends complet. Acte 20, 35. Je vous ai montré toutes ces manières que c'est... Je vous ai montré de toutes ces manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bonheur, c'est le mot makarios qui a donné bienheureux, béni. Mais pas juste, t'es bienheureux. C'est cette notion de devenir complet. Vous savez, dans la pensée juive, la pensée hébraïque, il y a beaucoup de sens dans les mots. Hein. Nous, on utilise les mots comme ça. Mais lorsque la Bible, elle dit que tu vas devenir bienheureux, elle est en train de te dire, tu deviens complet. Tu veux devenir complet? Donne. T'imagines? Lorsque tu donnes, c'est au-delà de juste un peu de joie que tu reçois. C'est que spirituellement, il se passe quelque chose en toi, tu deviens complet. Tu deviens bienheureux. Je lisais un article, lorsque l'on donne, il y a une hormone qui se met en route dans notre... Alors moi, je ne retiens pas les noms de ces hormones-là, ces machins chimiques, qui se met en route et qui naturellement crée de la joie. C'est chimique. Et je vous rappelle qu'on a été créé par Dieu qui est responsable de toute la chimie en nous. Lorsque tu donnes, tu appelles la provision de papa sur ta vie. C'est pas parce que tu donnes, que tu reçois et que tu gardes que tu vas juste t'épanouir, t'enrichir, etc. Lorsque tu donnes, tu enclenches quelque chose qui se met en route. Un cercle. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Sème. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Lorsque tu sèmes, tu reçois. Lorsque tu sèmes, tu reçois. On dit tous oui. Et arrive au moment de la semence, parce qu'on a tous des projets, des échéances et des choses comme ça. Mais lorsque tu commences à avancer avec cette dynamique de générosité, lorsque tu sèmes, tu reçois. Il y a quelques années, l'année dernière, il y a un an et demi, on nous offre une box. Yes, une box. On avait une nuit dans un hôtel, petit déjeuner, c'était vraiment super sympa. Et j'ai lutté pendant un mois, elle était sur ma table de nuit, et je la regardais, le Seigneur me disait, c'est pas pour toi. Hein? C'est mon cadeau. C'est pas pour toi. Hein? Je l'ai même préparé en paquet cadeau en disant, bon je sais pour qui c'est, je le mets sur la table de nuit, et ça restait là. Et vous savez, tous les matins, quand vous ouvrez les yeux, c'est pas pour toi. Ok, on l'a donné. Au moment où on l'a donné, quelques jours après, une personne vient nous voir, a dit, j'ai gagné une nuit dans une chambre, enfin un hôtel, avec le repas, le petit déjeuner. Attends, c'était du surclassement par rapport à la box qu'on avait eue avant. J'ai dit, waouh, on aurait pu se priver de ça. On est des canaux. Donne, donne, et tu vas recevoir. Sème, et tu vas recevoir. Et on va être très cru avec Jean-Philippe, on est très très cru là-dessus. Mais vous savez, si vous semez de l'argent, attendez-vous à recevoir de l'argent. On est de moins en moins favorable avec ce discours, mais si tu sèmes de l'argent, tu vas récolter la paix. C'est bien, hein? Mais je voudrais dire que c'est pas cohérent avec la parole de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu parle de semer et de récolter, Dieu qui est Dieu créateur savait qu'en semant du maïs allait pousser. En semant du blé va pousser. Si tu sèmes de l'argent, à ça, il n'y a que chez le chrétien qui crée des nouvelles lois, tu récoltes la paix. C'est pas biblique. Si tu sèmes de l'argent, Dieu va permettre que tu récoltes de l'argent ou des biens. Parce qu'on n'obtient pas juste avec de l'argent. Dieu est souverain sur tout et il peut nous approvisionner sur beaucoup de choses. La générosité, c'est quelque chose de fort, c'est la manifestation du royaume de Dieu qui impacte la vie de ceux qui t'entourent et ta propre vie. La question, c'est qu'attends-tu? Qu'attends-tu? On peut juste prier, se placer devant Dieu. Merci Père. Merci parce que ce matin, tu veux nous rappeler que tu es un Père. Que tu es celui qui prend soin de nous. Tu es celui qui veut prendre soin de nous. Tu attends de nous que nous rentrions juste dans cette mentalité, cette foi du moineau, qui ne s'inquiète pas du manger, du boire, de ce qu'on va avoir, pas avoir, parce qu'il sait. Il sait au plus profond lui-même que Dieu est un Père et qu'il va pourvoir en tout et pour tout. Seigneur, je veux te prier pour que nous puissions vivre cette révélation. Et je veux vous inviter à demander dans vos cœurs, révèle-toi à moi en tant que Père. Révèle-toi à moi en tant que celui qui est le créateur de toutes choses, le Père, mon Papa. Celui qui veut et va prendre soin de moi. Celui qui a prévu toutes choses pour moi. Celui dans lequel je peux m'abandonner dans les mains, je sais qu'il va être bienveillant. Esprit de Dieu, je prie pour que tu révèles le Père. Je prie pour que tu révèles cette dimension paternelle dans le cœur de chacun qui sont là. Juste pour vivre dans cette pleine confiance, dans ce plein repos, cette pleine assurance que tu es Papa. Seigneur, on veut rentrer ensemble dans cette dynamique de générosité. Pas pour, juste pour le gain, mais parce que nous voulons réaliser ensemble que la création attend la révélation du Fils de Dieu. Parce que nous sommes dans des temps où la création attend anxieusement que Jésus soit manifesté, que le royaume de Dieu soit manifesté. Et tu veux te servir de chacun d'entre nous. Et Seigneur, dans tous les dons que tu donnes, que tu mets à notre disposition, je prie pour que ce matin nous puissions saisir la générosité. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où tu as parlé, toutes les fois où tu nous as dit de donner, mais on a retenu, par peur, par plein d'excuses, et qui sont tellement légitimes. Mais nous voulons être de ceux qui vont obéir à ta parole. Nous voulons être de ceux qui vont manifester les valeurs du royaume de Dieu. Nous voulons être de ceux qui vont toucher, impacter le monde autour de nous juste parce qu'on va être généreux. Parce qu'on va manifester le caractère de Christ qui était lui-même généreux. Seigneur, nous crions à toi pour que tu réformes nos voies, que tu réformes nos mentalités, que tu réformes, Seigneur, toutes ces habitudes de vie, de crainte, pour que nous puissions donner largement, Seigneur. Et pas juste aux chrétiens, mais à tous ceux qui nous entourent, Seigneur. Donne-nous ce discernement. Donne-nous ce discernement de voir où est-ce que toi, Seigneur, tu veux que nous semions. Donne-nous les yeux pour voir les champs dans lesquels tu veux que nous semions. Je prie pour cet élargissement dans nos vies. Je prie pour une dimension plus grande dans nos vies, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, parle-nous cette semaine. Nous voulons être à ton écoute. Nous voulons voir comme tu vois. vivre comme Christ vivait, tellement plein de générosité, plein de dons. Nous voulons que tu prennes plaisir en nous, Seigneur.